Cet amour que tout semblait trahi, cet amour qui tremble comme un frisson d'ombre sur le livre des hommes, je laisserai une trace de toi dans tous mes champs d'amour. Ces fleurs du soir effeuillées en secret sur l'oreiller de la Voie lactée. Cet amour qui tremble comme un frisson d'ombre sur le livre des hommes. Je laisserai une trace de toi dans tous mes champs d'amour.